Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Maxime Duguay. Merci d'être passé et puis merci pour le 5 d'extra sur Castlevania 2. Alexandre Bonneau. Merci d'avoir pris le temps de sortir de la salle de la Symphonie de Zelda pour me donner Yoshi's Safari. Hey. Maxime Poulain. Merci pour le cash. Rétro Nouveau. Aujourd'hui à Rétro Nouveau, on parle des jeux Resistance Burning Skies et Soul of Darkness. La discussion, est-ce qu'on termine tous nos jeux? Et le top 5, les personnages les plus bizarres. Hey, bonjour et bienvenue à ce 31e épisode de Rétro Nouveau. Salut Dom! Salut Bruno! Ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Oh oui! Je capote! On capote ben raide! Bon! Hey, fait que en intro, on aimerait parler. On avait eu des critiques sur le show, des critiques constructives. Oui, de on vous avait demandé en fait des critiques. On veut se faire critiquer. On veut se faire critiquer. On reçoit beaucoup de commentaires positifs, puis merci énormément. Ça nous fait très chaud au cœur. Puis mais il y en a. On voulait des affaires que vous n'êtes pas satisfait ou changeriez puis tout. Puis on en a eu quelques-unes. Mm-hmm. Donc, faisons-en un petit résumé. Exactement. Ben, en gros, moi, il y a une affaire qui est sortie super souvent. Puis c'était quelque chose à laquelle j'avais pensé. Puis j'avais dit, il n'y a personne qui va remarquer ça. Mais il y a vraiment une demande des gens par rapport aux images de jeux desquelles on parle. Dans iTunes. Dans quand iTunes. Ça joue. L'image dans le coin en bas à gauche, si vous ne savez pas, ça change au fur et à mesure que c'est ça parle. Exact. Ça fit le contenu, là. C'est ça, fait que là, c'est une demande, puis ça va être fait. C'est fait présentement, puisque, bref, on a eu l'épisode 30, le spécial du E3 qu'on a fait. Mm-hmm. Il y avait des images, donc ça va être comme ça maintenant à l'avenir, là. C'est cool, je pensais que personne ne regardait ça, moi. Puis moi je aussi. Me disais, mon Dieu, tout le travail qui est mis en arrière de ça. Exact. En plus. Mais finalement, ça a l'air que ça marche. Parce que moi, j'avais réduit ça, parce que je m'étais dit, le monde veut juste des chapitres, ils s'en foutent des images. Tu sais, puis finalement, il y a de quoi. Fait que tant mieux, mais merci beaucoup de la critique, parce que ça va améliorer le produit. Absolument. Puis moi, il y a des gens, il y a une couple de personnes qui m'ont dit, puis j'ai lu là, aussi, qui s'ennuyait des chroniques rétro nouveau, qu'on faisait au début, Russian Attack version NES, Russian Attack version PS3, Yars Revenge, tout ça. Exact. Burger Time, on a fait Elevator Action. Oui. Il y en a plein qui existent. Puis, moi aussi, je m'ennuie de ça. Ouais, moi, On va le faire, là. Ça va revenir. Ça va revenir. Puis, de toute façon, il y a tellement de remakes partout, là. Ouais. Je pense justement à la bande-annonce qu'on avait mise sur retronouveau.ca de Spy Hunter. Il va y avoir un remake. Un nouveau Spy Hunter. Sur 3DS et PS Vita. Fait que je me dis, regarde, c'est un bon rétro nouveau. Ça aussi, là. Totalement. Avec Super Spy Hunter aussi qu'il y avait eu au Nintendo. Fait que moi, ça me tente ça. Puis dans le fond, ce qu'on avait décidé, moi puis Bruno, c'est que le top 5 qu'on a maintenant, qui est un peu le dernier segment de l'émission, va devenir une chronique rotative. Oui. Parce que d'autres personnes parmi vous s'ennuient de nos chroniques Le Créateur, Héros ou Vilain, toutes ces affaires-là. Donc, nous autres, ça prenait énormément de temps vraiment. En faire là, deux par semaine de c'est ça. C'est ça. Alors, on va, je pense, en faire un de temps en temps. C'est ça. Puis ça va aller à la fin de l'émission. Fait que ça sera pas toujours des top 5. Des fois, un créateur. Des fois, on va parler d'une console. Des fois, on peut parler d'un personnage, Mega Man. Donc, on va se laisser aller avec cette section-là. Mais on va avoir, mettons, 6 topics qui vont revenir tout le temps. Comme ça, on va revenir sur les choses que vous aimiez, puis qu'on aimait nous autres. Ça, aussi, certain. Puis il y a aussi une autre demande qui est revenue. Moi, c'est revenu souvent sur Twitter aussi. Je l'ai lu pas mal. C'était nos spéciaux. Ça, depuis qu'on a fait Castlevania, on nous le demande tout le temps. Mm-hmm. Je pense qu'on en parle quasiment à tous les épisodes. Fait que tu sais, faudrait bien finir par le faire. on va le faire. On va le faire. Puis Megaman est possiblement le premier qu'on devrait faire puisque la demande est vraiment forte. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, restez à l'écoute prochainement un spécial sur Megaman. Ça s'en vient. Ben là, notre dernier spécial, c'est sur le E3, dans le fond. Fait que ça, quand même un gros spécial, énormément de choses à dire. Donc, c'est ça. Il peut y avoir des épisodes spéciaux comme ça aussi. Oui. Puis d'autres, des invités qui vont venir aussi. Mais là, bon, moi, je vais être en vacances bientôt. Puis là, ça va encore. C'est ça, c'est quand même plus difficile. C'est difficile de matcher là, les invités dans le planning. Mais en tout cas, ça va tout venir. Ça va se faire. Puis, quoi d'autre, donc? Y avait-tu d'autres choses? Ben, à part de ça, je pense que c'était pas mal ça. Ah, ben, il y avait du monde qui disait... C'est drôle, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment qu'on ajoute de la musique, qu'on s'en va en musique avec telle affaire. Mais il y en a un, juste un, je pense, qui aimait pas ça. Désolé à toi, mais on va le garder parce que nous, on en aime pas mal ça. Mais les tunes, en passant, dans iTunes, vous pouvez skipper, là. T'sais, moi, la façon que je fais les chapitres, c'est le chapitre commence quand on introduit la tune, puis... Après ça, il arrête au moment où on part la prochaine chronique. Fait que s'il y a un segment du show que vous aimez pas, téléchargez la version iTunes, puis vous pouvez tout simplement le passer, puis pas l'écouter. Parce que des fois, c'est... Regarde, même moi, j'écoute des podcasts des fois, puis il fait comme... Il parle d'un jeu PC ou il parle d'une affaire qui m'intéresse pas pantoute. Je fais comme, bon, ben, skip. Tu sais, je m'en vais à la prochaine affaire parce que je veux écouter ce qui m'intéresse, finalement. Là. Absolument. C'est normal. Mm. Fait que ça fait le tour. Pas mal ça. Rétronouveau.ca. Moi, j'ai mis la bande-annonce du nouveau film de Walt Disney, le studio d'animation 3D de Walt Disney, Wreck-It Ralph. C'est un jeu d'arcade, Wreck-It Ralph. Oui, c'est un jeu d'arcade. Puis c'est le fun, l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce encore, c'est que c'est un personnage dans une machine d'arcade. Le jeu d'arcade ressemble pas mal à Rampage. Ah, totalement comme Rampage. C'est la même chose. Puis Ralph, c'est un espèce de gros bonhomme avec des poings énormes qui monte sur un building, puis qui se mâche dans des vitres, puis qui se rend jusqu'en haut. Puis une fois qu'il est rendu en haut, il se fait lancer en bas par la population. Oui, il y a un petit réparateur aussi qui répare au fur et à mesure, dans le fond. Fait que, Ralph, c'est le méchant. Il détruit tout le building, puis toi, t'es un genre de Mario qui répare un c'est peu ça. Le building. Puis, tu sais, lui, à un moment donné, il fait qu'il est tanné d'être le méchant. Il va dans des meetings, puis il va dans un meeting des méchants, puis là, on voit dans la salle des méchants de tous les jeux. On voit Bison, on voit Kano, on voit Bowser, Zangief, Smoke, un fantôme de Pac-Man. Il y a un zombie de House of the Dead. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Il y a plein de références aux jeux vidéo. Puis moi, ce que j'ai lu, on voit aussi Q-Bert par la suite dans l'annonce. Oui, Q-Bert, c'est tellement cool. C'est vraiment cool. Puis moi, ce que j'ai lu par rapport au film, c'est qu'il y aurait énormément de références aux jeux vidéo. Évidemment, cette séquence-là avec tous les personnages dans la salle des AA quasiment. Ouais. Ça, c'est vraiment une scène. T'sais, fait que c'est... Il y a bien des chances là, que Zangief, ça va pas être un personnage qui va revenir souvent dans le film. Non. Sauf qu'il va avoir des références aux jeux vidéo, puis il va avoir des univers de jeux vidéo. Comme entre autres dans la bande-annonce, on voit un mélange de Halo, Call of Duty puis Gears of War. Ah oui, quand c'est full FPS shooter. Là. Exact. Puis à un moment donné, il regarde un colonel, puis le colonel, il a comme une médaille d'honneur d'en haut, Medal of Honor. Fait plein de trucs comme ça. Un moment donné, il y a un jeu qui ressemble beaucoup à Mario Kart. Fait qu'il y a beaucoup d'univers comme ça. J'ai même lu qu'à un moment donné, supposément, qu'il y aurait un univers qui ressemble à Super Mario Bros. Mais personne fait la mention nulle part que c'est Super Mario Bros. Puis on voit pas Mario. C'est juste que tu sais, si t'es gamer, que t'es dans cet univers-là. Vous allez tout le savoir, vous autres. Là. C'est ça. C'est ça qui est hot là-dedans. C'est ça que je trouve cool. Je trouve ça cool qu'il ait pas fait ça, là, littéral, que... C'est exactement ça, puis t'as le personnage du jeu. Je pense que c'est la bonne façon de faire quand même. Ouais. Je sais pas comment ça a pu coûter d'argent pour payer les droits de bêter tout ça. Là. Je me demande comment ils ont fait. Ben, c'est Disney, ils ont tout. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Là. Ouais, exact. Mais t'sais, quand même, pas évident. Surtout, ils savent quand même que les revenus vont être bons. L'affaire la plus populaire au monde auprès des jeunes, c'est les jeux vidéo. Ouais. C'est encore plus populaire que le cinéma. Mm. Fait que moi, je pense qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Ils vont les payer, les redevances, sans aucun problème. Là. Ouais. Mais moi, j'étais surtout surpris parce que je voyais Kano, je voyais Smoke de Mortal Kombat, j'ai vu Zangief, Bison. Je me disais, OK, c'est correct. Mais quand j'ai vu Bowser, c'est là que j'ai fait « Hein? » Nintendo fait un move de même, tu sais. Nintendo, c'est pas l'argent à faire des moves comme ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est ils contrôlent leurs affaires, c'est mes affaires. Tu sais, ils veulent pas partager, tu sais, avec personne. Fait le fait que ça soit dans un univers de Disney, moi, je trouve ça fascinant. Ça prouve que il y a peut-être un virage chez Nintendo présentement, là, ouais. Peut-être une plus grande ouverture d'esprit. Mm. Puis d'ailleurs, on l'a vu avec le 3, on en a parlé pas mal. Fait que c'est le fun de voir que ça s'en va dans une autre direction. Là. C'est prometteur. Ouais. Fait qu'allez voir ça, en tout cas, cette bande-annonce-là, on a hâte en tabarnouche. Yeah. Moi, je vais parler de mon Virtual Boy que j'ai mis dans la section acquisition. J'en avais parlé un petit peu sur le blog, mais je vais être plus précis ici. Mm. Il s'agit en fait de celui de Sébastien Bouchard de Fun Jouer Jeu. Il en avait fait la critique dans je sais plus quel épisode de Fun Jouer Jeu, en tout cas. Ouais, il en a fait la critique, c'est vrai. Fait que j'avais discuté un peu avec, tu sais. Puis c'est cool, il racontait que c'était son. Lui, il l'a eu, tu sais, à Noël, genre dans la boîte, puis tout le kit. Puis c'est vraiment celui qu'il a eu dans son enfance, là, puis qu'il a toujours gardé, tu sais. Ben, il a fait attention, tu sais. Je le regarde, puis c'est assez mint. Il est mint. La boîte est usée un peu à force de transport, mais tu sais, au moins, j'ai la boîte, puis livret d'instructions. Puis il m'a donné un jeu de pinball aussi, Galactic Pinball, je pense. Puis ça vient avec Mario Tennis à base. Ouais. Donc, c'est ça. Écoute, moi, il y a plein de monde qui m'ont demandé sur Twitter comment t'as payé ça, puis tout ça. C'est un échange qu'on a fait. On a évalué un peu la valeur du Virtual Boy sur eBay en regardant tout ça. Puis ça tourne autour de 80 et 100 $. Fait que moi, j'y ai donné pour 80 et 100 $ de stock. Okay. Soit les trois Castlevania sur le NES avec Tetris, Star Tropic et puis une manette de Super Nintendo que j'ai eu vraiment de la misère à trouver. Là. Okay. Fait que côté cash, ça s'équivaut pas mal. Fait que c'était pas mal ça. C'est cool. C'est pas mal cool. Hey, du troc. Ben moi, je peux faire du troc là, avec vous si vous voulez. D'ailleurs, puis, mais là, n'est pas une chèvre ou une livre de beurre. Non, juste. Puis c'est drôle parce que lui, il était à Chicoutimi. Ouais. Mais là, il descendait pour voir la symphonie de Zelda. Fait qu'on s'est donné rendez-vous downtown. C'est là d'ailleurs que j'ai vu aussi Alexandre Bonneau. Quand je suis allé voir Alexandre Bonneau, j'avais ma boîte de Virtual Boy dans les bras. Je me promenais avec ça au centre-ville. Je me trouvais pas mal cool. Puis là, c'est ça, on a fait le deal. Puis quand je retournais à mon char, j'ai passé devant le Game Buzz sur Sainte-Catherine. Puis je me suis dit, mais allez voir comment est-ce qu'il me donnerait pour rien que pour rire, là, tu sais. Mais c'est sûr que j'allais ça pas le chercher, il va le panner, ben tu sais. Mais c'est clair que j'allais pas le faire, tu sais. Je veux un Virtual Boy dans ma collection, mais tu sais, là, le gars, il l'avait pas dans son système ni rien. Fait que, je sais pas combien il m'aurait donné, mais il disait que ça valait à peu près 100$. Ah, ben c'est cool, au moins. Moi, j'étais sûr qu'il l'aurait vendu, là, eux autres, là, 2000$, parce que j'ai vu dans leur paquet de cassettes NES Tetris. Tetris bleu. Là, il est souvent 50-60$. Il était 100$, même. 100$ pour Tetris. Mais c'est voyons. Genre, dans les jeux les plus communs de NES. Mais oui, tout le monde avait ça. On vend ça 5-8$, tu sais. Il y en a dans toutes les pawn shops. 100$. Je te jure, j'avais envie de 100$. Battre le gars. Ça n'avait pas d'allure. En tout cas, fait que j'ai un Virtual Boy, j'ai même pas joué encore, désolé. Ça va venir, je vais faire des critiques de jeux de Virtual Boy très très très bientôt. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi avec. Nice! Hey, moi j'ai joué. Je regardais le plan de match puis je regardais pas à bonne cause. Non, on est bien, bel et bien rendu à savoir à quoi tu as joué. Eh oui. Vas-y. J'ai joué à Resistance Burning Skies. Mm-hmm. Puis je me posais énormément de questions à propos de ce jeu-là. Un jeu de Vita, hein? Ouais, un jeu de Vita. Qui a été mal critiqué. Coûte 40$, qui a été très mal critiqué. Ben il a été bien critiqué. Mais très mal reçu. Mal reçu, ouais. Puis c'est ça, puis il y avait. Évidemment, nous, les 50 gars qui ont acheté une PS Vita, on a hâte qu'il y ait du stock de PS Vita qui sort. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plein de stocks parce que moi, je suis un consommateur modéré. Ouais. Tu sais, j'achète pas un jeu par semaine là, comme toi là. Pour un acheteur modéré là, t'en as beaucoup là. Il y a vraiment beaucoup. Fait que je comprends pas pourquoi le monde il panique. Est-ce que tout le monde achète autant de jeux que ça? Tout le monde a déjà eu le temps de finir tous les jeux. Je pense pas que le monde panique. Je pense plus que le monde veut certains types de jeux. Fait que peut-être sur le line-up présentement qui est à peu près autour d'une quarantaine de jeux. Là-dedans, tu sais, il y en a peut-être une dizaine qui t'intéresse, tu sais. OK. Fait que c'est sûr que c'est différent là. Fait que je vais me passer avec ma chaise parce que je suis pas bien. Donc non, c'est ça, fait que c'est certain que c'est pas nécessairement le type de jeu que tu veux. Sauf que Burning Skies Resistance, c'est un jeu qui t'intéresse à la base parce que c'est un des plus gros titres de Sony. Tu sais, c'est Resistance sur PS3, c'est des jeux qui sont vraiment solides. Fait qu'on l'attendait avec impatience. Moi, j'avais super hâte. Sauf que le jeu sur Metacritic a une moyenne d'environ 50%. Ah ouais? C'est bas pareil ça? C'est très bas. C'est très bas, puis les gens qui en parlent ont sensiblement toutes les mêmes commentaires. Là. J'ai rarement vu une différence là, où un gars qui était complètement dans le champ, okay. À part les gens qui ont donné un 80-90%, eux autres, d'après moi... Ils ont joué Resistance puis ils ont mis ça. Ben, c'est même pas nécessairement ça. C'est vraiment juste de le juger en tant que jeu tout seul, même si ça n'a pas rapport avec Resistance. OK. Puis moi, je suis un peu de même comme critique. Je suis pas du genre à faire « Ah, ben là, ils ont changé l'histoire, fait que moi, j'y enlève 3 points. » Toi, tu sors le jeu de son contexte puis tu le cotes. C'est-tu un bon jeu? En entité, là, seul. C'est ça. Ouais. On peut chialer contre l'histoire, mais l'histoire, au final, c'est pas ça qui fait du gameplay. Là. C'est pas un film. Là. Ouais. Fait que, bref, on vous en parler. Ouais, vas-y. Parce que là, je suis en train de faire du Dan Vaillanco. Tu sais, je dis qu'il est le fun, il est pas le fun, il est le fun, il est pas le fun, il est le fun. Puis, c'est-tu le fun? Mais il est pas le fun. Mais la mécanique est le fun, mais elle est pas le fun. Mais tu sais, c'est un jeu qui est vraiment cool, mais il est comme pas le. Mais tu sais, il est le fun. Mais ouais, il est cool. Mais ça coche. Hey. Tu sais, hey, wow. Les manifestants. Hey, les amis, là, ouh. Fun jeu. Bon, ben écoute. Toutes les semaines. Fait que c'est ça. Resistance Burning Skies, on commence. Oui. OK? Ouais. Ce que c'est t'es un pompier là-dedans. T'es un pompier avant l'espèce d'invasion des chimères. OK. Excuse, mais juste pour se mettre en contexte, ça a-tu rapport avec les trois qu'il y a sur le PlayStation? Ça a rapport avec les trois, mais c'est comme un prologue. OK, c'est, OK. Ça se passe avant les trois Resistance. Fait que tu vois un peu le début de cette invasion-là. OK. D'une autre place, je me souviens plus, je pense que c'est de Chicago. Thetford Mines. OK. Thetford Mines. OK, on se dit que c'est à Thetford Mines, ouais, c'est tellement mieux. OK, c'est à Thetford Mines que ça se passe. Puis, c'est ça, tu commences, puis l'invasion n'est pas encore arrivée, puis ça commence à revoler, commence à avoir des missiles, commence à avoir des chimères qui descendent puis qui te détruisent. OK. Puis, toi, t'es un pompier, puis ta hache, tu t'en sers au début, mais très peu. Là. Fait que le fait de dire que t'es un pompier, ça change absolument rien à l'histoire. Ça sert absolument rien parce que on voit pas ton personnage, on sent pas que t'es un pompier, on sent pas que t'as des skills de pompier. OK. À part le fait d'avoir une hache. À part le fait d'être bon au PlayStation. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai un ami pompier, puis on arrête pas de niaiser, qui joue au PlayStation à la caserne, puis qui se font du barbecue, puis qui font l'épicerie, puis en tout cas, c'est drôle de rire des pompiers. Mais ils travaillent fort. Bon, continue. Mais c'est ça. Fait que t'es un pompier, mais on s'en fout un peu que t'es un pompier. Fait que tu commences, tu te ramasses une arme, puis t'avances, puis tu tires dans le tas. Ouais. C'est un first-person shooter. C'est le premier first-person shooter sur la PS Vita. Fait que moi, c'est ça qui m'a attiré au départ. Je voulais voir, ça ressemble à quoi un first-person shooter sur une Vita? C'est intéressant. Puis ça fonctionne à merveille. C'est une machine qui fonctionne super bien pour ça. Les deux sticks répondent bien. Les contrôles répondent super bien. Ça marche. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, premièrement, c'est vraiment nul. Okay. Ils ont aucune intelligence, là. Ils peuvent être à côté sur un mur, là, puis ils sont pognés sur le bord du mur, puis ils avancent, puis là, ils essayent de tirer, mais ils tirent dans le mur, puis ça marche pas. Ah, ouais. Puis là, toi, tu t'en vas à côté, puis tu le tires, puis ils te voient pas. Des fois, tu avances vers la bébite, puis tu as le temps d'avancer vers la bébite, puis de sacrer un coup de hache dans la face avant qu'elle puisse même te détruire. C'est rendu un petit peu plus loin, peut-être au 3-4e tableau, qu'on a un certain challenge. Le problème, c'est que le jeu a juste 6 niveaux. Hmm. Fait que t'es rendu quasiment à la fin, puis là, tu commences à avoir un certain challenge. Puis c'est souvent la même chose dans Burning Sky, c'est que tu te retrouves dans un endroit un peu fermé, puis là, t'as des bébites qui arrivent sans arrêt, puis là, t'es tire jusqu'à temps que le dernier tombe. Okay. Mais les bébites viendront jamais te chercher. Okay. Il y a juste un type de chimère qu'on a vu dans les autres Resistance, ceux-là qui sortent d'un œuf puis qui te courent après comme des perdus. Là, sont vraiment épeurants puis sont vraiment écœurants. Ils se retrouvent encore dans ce jeu-là. Fait que ça, je trouve ça bien parce que tu sais, il y a quand même des monstres qu'on a vus dans les autres jeux. Il y a des, Il y a des trucs qu'on a vus dans les autres jeux de Resistance qui sont respectés là-dedans. Aussi, le côté un peu... le côté résistance, on le comprend bien. Il passe bien avec des alliés qui sont avec toi, qui sont en train de former une certaine résistance envers les chemins qui sont pas nécessairement l'armée. Parce que les gars de l'armée, la plupart du temps, sont pourris, se font tout le temps tuer. Ouais. Ce qui est quand même bien dans un jeu comme ça. Puis... le wow factor, à certains moments, il est là. À certains moments, on réussit bien. Mais le fait que l'intelligence artificielle soit pourrie, ça aide pas. Le son est vraiment mal fait. Okay. La plupart du temps, tu n'arrives pas à savoir où l'ennemi est situé par rapport à toi. Okay. Des fois, tu vas entendre des tirs, puis les tirs, tu vas les entendre un peu partout. Comme si tu vas entendre les tirs en stéréo. Puis ça, c'est souvent, pas un problème de son de la Vita, genre. Non, c'est vraiment un problème. Le jeu qui est mal fait. Dans le jeu est mal fait. Puis je me demandais justement si c'était peut-être ma Vita. Puis j'allais voir sur d'autres critiques. Puis les critiques disent toutes la même chose. Okay. Entre autres, dans le multijoueur, ça va causer énormément de problèmes. Premièrement, le multijoueur, j'ai tellement eu de misère à me loguer. Là. C'était vraiment difficile d'entrer dans une partie. Les 49 autres gars étaient peut-être plus disponibles c'est ce soir-là. Mais j'ai fini par entrer dans une partie, puis le fait que le son soit aussi mauvais dans un multijoueur, c'est hyper important. Si vous jouez à des first-person shooters en ligne, entendre le tir d'un ennemi, savoir qu'il est derrière toi à 45 degrés, ça va t'aider justement à te situer, à te sauver. Là-dedans, le son il est ambiant, tout sonne comme une carcasse. Quand tu marches, des fois, on entend tes pas plus fort que les tirs. Fait que c'est le bordel. Le son, c'est la pire job ever de son. C'est vraiment minable. Puis même à ça, il n'y a pas beaucoup de musique. Puis des fois où il y a de la musique, c'est pas grand-chose. Là. C'est juste un petit bout une fois de temps en temps, des fois pendant un boss. Boss qui sont vraiment pas difficiles à tuer. La plupart du temps, c'est comme trois coups, t'es mort. Puis tu tournes autour du boss, tu tournes, tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, tu finis par le tuer. OK. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est juste très facile. Il y a pas d'imagination, pas en tout. Mais tu sais, t'as quand même un peu de fun. Là. C'est pas un jeu qui est minable. Ouais. Mais c'est juste qu'on est habitué à de quoi avec Resistance. Puis là, c'est pas ça. Tu sais, c'est pas. Quand t'avais parlé. C'est pas de qualité. T'sais. Quand t'avais parlé de Resistance 3, là, tu disais que tu pleurais. Ah oh, ouais, j'avais sensible. Les larmes aux yeux. Là, là ça l'a-tu fait, genre Non, ouais. Tellement pas. Sec, là, les yeux. C'est sec, très sec. OK. Même que, ouais, c'était. Non, ça avait pas de bon sens. Puis en plus de ça, les cinématiques qu'il y a avant dans le jeu, avant chaque tableau, il y a une cinématique avec du motion design super beau, mais la compression est tellement épouvantable que c'est tout blocky, là, comme si tu regardais ça, là, tu regardais un YouTube là, à 240p ouais. sur un 14.4. Là. Ah, ouais. C'est dégueulasse. Hmm. Ça tue tout. Fait que il y a comme pas de standard de qualité dans ce jeu-là. On dirait qu'il y a personne qui l'a testé, mais il fonctionne. Tu vas te rendre à la fin, tu vas avoir quand même, tu sais. Je veux dire, j'ai quand même continué le jeu, puis j'ai eu du fun, puis je veux dire, je l'ai même pas fini encore, tu sais, je vais le terminer dans pas long, mais j'ai hâte de le terminer, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est intéressant, mais payer 40$ pour ça, pas en tout. Moi, si je le trouvais à 10$, je trouverais que, hop, c'est un bon deal. Si j'avais fait la critique à Monsieur Net, j'y aurais donné un 5 sur 10. OK. Ce qui est vraiment, là, c'est le milieu. Ouais. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est moyen. C'est vraiment un jeu moyen qui est pas totalement brisé, mais qui est pas le fun, qui va pas te challenger. Sauf que c'est ça, c'est comme un tech démo. Pour la PS Vita, genre, qu'est-ce que ça pourrait être un first-person shooter, tu sais? Ouais. Puis je pense qu'on va vraiment savoir avec Call of Duty, tu sais, qui a été annoncé au E3. Puis j'ai comme même l'impression que Resistance Burning Skies s'est tellement fait rentrer dedans que peut-être que les gars de Call of Duty se sont dit « Ah, OK, on va reculer, on va attendre avant de montrer du gameplay, puis on va vraiment s'organiser pour que ça soit solide. » C'est peut-être même les gens de Sony qui ont fait « Garde, on monte à rien, OK? » Puis c'est un peu la mentalité de Sony la plupart du temps, c'est « On aime mieux passer 4 ans sur un jeu puis s'assurer qu'il soit parfait avant de le sortir. » Bon, là-dessus, ça donne l'impression que c'est la même affaire. Puis pour Resistance, en passant, le développeur qui a fait ça, c'est un développeur qui a tout le temps fait des jeux moyens. OK. Ça n'a jamais été des jeux super. Entre autres, c'est eux autres qui ont fait Conan, qui était bien, mais qui n'était pas incroyable. OK. Fait que tu sais, la plupart du temps, les jeux moi, qu'ils font... Moi, j'ai full aimé ça, Conan. Mais moi, j'ai aimé ça. Non, je c'est sûr que j'ai pas joué. Là. Mais moi, j'avais fait la critique à Monsieur Net, puis j'avais quand même aimé ça. J'avais fait que, ah, c'est pas pire, tu sais, ouais. C'est un jeu qui... Je m'attendais pas à ce que ça soit bon. Puis c'était quand même bon, mais c'était pas un jeu mémorable, tu sais. Ouais. Puis les autres jeux qu'ils ont fait, c'était pas des super bons jeux. Là, c'est plate parce que je les ai pas en tête, mais c'est pas une compagnie qui a sorti des blockbusters, là. OK, OK. Tu sais, puis normalement, Resistance est développé par Insomniac, mm-hmm. il me semble. Oui, c'est ça, c'est Insomniac qui le développe. Puis Insomniac était sur autre chose. Dans le fond, eux autres, l'équipe qui travaillait sur Uncharted, ça aurait dû être la même équipe qui travaille là-dessus, tu sais, okay. Ou ça aurait dû être Ready at Dawn, qui est un excellent développeur de jeux de PSP. Mais à la place, on est allé avec un développeur moyen. OK. Puis on le voit, là. C'est la différence est là. Puis d'ailleurs, si vous regardez les expressions faciales, puis tout ça, puis le graphisme du jeu, mm-hmm. c'est vraiment moyen, là. Tu sais, c'est pas un jeu que je montrerais à quelqu'un pour dire « Hey, achète-toi une PS Vita. Ouais, » Jamais, faites jamais ça si vous voulez convaincre quelqu'un, là. Tu sais, c'est vraiment le jeu le plus laid sur la PS Vita. Ouais. Tu sais, c'est pas beau, ça marche pas, tu sais. Fait que achète pas ça, loue pas ça, tu sais. Attends que ça sorte dans une... Pawn shop. Ouais, dans un pawn shop ou dans un bin quelque part là, où ouais. qu'un chum soit tanné du jeu, tu sais, comme le monde vont le finir puis ils vont se tanner, ils joueront pas en multijoueur d'après moi, tu sais. Ouais, toi tu vas aller vendre ça de la minute que tu finis ça, genre. Ouais, je suis pas mal certain parce que c'est plate. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Si je lance un appel à tous via Papa Cassette. Je vais finir Resistance Burning Skies dans vraiment pas long, peut-être même à soir, puis je le vends. Fait que avez-vous intéressé, contactez Papa Cassette pour de plus amples détails. papacassette@gmail.com. Ouais. Hey, c'est-tu la business? C'est la business. En passant, j'ai des jeux dans la télévision d'Atari puis de NES avant. C'est ça. Ciao. Je devrais te mettre un jingle. En papa cassette, pour tous tes besoins en cassette. Bon. Moi, je vais parler du jeu Soul of Darkness. Mm-hmm. Pas Curse of Darkness. Soul of Darkness, faut pas se tromper. Pas se tromper, là. Rip-off pour rip-off. Ouais, c'est un DSiWare de 5$ que oui. j'ai téléchargé à cause que 6... Ou 6. Ah, j'aime ça dire 6. Je trouve que ça fait plus ouais, badass. Ouais, 6, ça fait plus sick. Ouais. Horror Gamer ouais. a fait la critique sur son podcast, le Horror Gamer Show. Ouais. Donc, si vous avez écouté ça, ben, je vais redire la même affaire. Mais il m'a donné... Mais c'est ça, c'est un jeu de Game Loft, tu sais, en un passant. Un jeu de Game Loft. Attends, ta gueule, je vais encore montrer. OK, je continue, OK, je OK. Non, t'allais tout dire ce que c'était. Là. Ben non, je voulais juste dire que c'était un jeu de Game Loft. Je me suis dit, tu veux pas le savoir. Ouais, ouais, tu me Papa l'as dit. Papa Cassette, ça intéresse à l'histoire. Ça intéresse ouais. C'est vrai, mais tu me l'as expliqué par exemple Game Loft, c'était quoi la gimmick? Tu m'as ouais. expliqué que Game Loft, ce qu'ils font, ils copient les autres jeux, mais ils le copient bien. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé avec ça. C'est voyons, pas Kirby. Of... Non, j'allais dire Curse of Darkness. Soul of Darkness, c'est une copie ouais. conforme de Castlevania Symphony of the Night. Mm-hmm. C'est pour ça que je voulais l'essayer. C'est écoute, c'est pareil. C'est ouais. pareil. T'es un dude qui ressemble étrangement à Lucard, mais t'es pas un vampire. Il est tellement pareil. Je pense que tu t'appelles Kale. Pas Kale, mais Kale. C'est vraiment bizarre. Là, c'est tu commences le jeu, pis t'as une amie de fille, puis là, elle se fait kidnapper par ce qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Dracula, ouais. tu sais. Fait que là, tatang, là, il disparaît avec pis tout. Puis là, faut que tu passes des tableaux pour se rendre jusqu'à lui. Puis pour une espèce de gros château. T'as un château, t'as de la forêt. T'as des vitrailles. Ouais. T'as vraiment, tout est là. Pense là. À tout ce qu'il y a dans Castlevania, là. Il l'a, tu sais. Ouais. Y a-tu des engrenages, un tableau d'engrenage? Je sais pas s'il y a un tableau d'engrenage. Je m'en rappelle plus. Je pense que non, par exemple. Mais écoute, je me souviens même d'un bout, parce que j'ai joué, moi. J'ai joué, je l'ai pas fini, par exemple. Je me souviens même d'un pignon d'église, d'un wow, bout où ouais. j'étais pogné dans un bout en triangle. J'étais comme, come on, c'est juste trop pareil. Il ben, y a là. Un boss aussi, c'est un loup-garou qui est ouais. totalement identique à ceux-là que dans Symphony of the Night, puis ouais. qui viennent de Rondo of Blood, qui est un boss dans ce temps-là. Même affaire. Fait que c'est pareil. Ouais. Donc, tout comme Alucard, t'as une épée, mais t'as aussi une spear. T'as deux armes là-dedans. Mm-hmm. Ton épée est de feu, puis ta spear est de glace. Puis, ouais. dans le fond, ça... Un peu de feu, un peu de glace. Yeah! Puis t'as une map comme Castlevania. Ouais. Puis tu fais ton stage là. La musique même. La musique est pareille. La musique est pareille. Elle est moins bonne. Elle est pas mal moins bonne. Elle est vraiment moins bonne, mais tu le vois que c'est influencé là. Ouais. Elle est pas aussi symphonique, tu sais. Elle est un peu grinçante là. C'est comme de l'orgue, mais de l'orgue un peu trop 8 bits. Accéléré. Même 6 bits. Ouais. C'est pas. Même le look du jeu. Je sais pas si c'est parce que je jouais sur une 3DS, ça serait peut-être plus beau sur une DSi. Non, c'est plus beau sur une DSi. Mais malgré tout, le graphisme est un peu boiteux par moment. Tu sais, quand t'es Game Over, t'as comme... Il y a une pancarte écrit Game Over, puis il y a comme du sang mais qui coule dessus, mais pas de belle façon. C'est super carton. Mais c'est le mix des couleurs qui est pas terrible. Mais... Non, mais l'animation du sang est dégueulasse, tu sais, puis il y a comme... C'est saccadé des fois par bout l'animation. Je trouvais ça très étrange. T'sais, ton bonhomme il est rapide, il y a des bouts qui. Mais tu sais, ça se contrôle bien, mais je sais pas. C'est pas naturel. Il y a de quoi d'étrange. Mais ça nuit pas au game. Ça nuit pas mais au le jeu, gameplay, là. Les contrôles sont écœurants. Ah, ça joue très bien. C'est ça l'affaire. Moi, quand j'ai acheté ça, c'est que. Tu sais, Castlevania, ça faisait un bout que j'avais joué à Castlevania. Ouais, moi, avec, c'est pour un fixe de Castlevania. C'est vraiment ça. Tu sais, j'avais pas joué à Castlevania, j'avais ma 3DS, j'avais rien sur la 3DS parce que j'ai pas. Le fucking programme des ambassadeurs. Ben oui. Fait que... C'est beau jeu de Game Boy Advance. Puis, j'ai acheté ça, puis je l'ai racheté sur ma DSi parce que je trouvais justement que sur la 3DS, c'était comme... c'était pas très beau. Fait que là, j'ai joué sur ma DSi, puis là, il est vraiment beau. Là. Fait que ce jeu-là, je l'ai acheté deux fois. Wow, ben, ça revient pas trop cher. Mais tu sais, ça revient pas cher. Non, il est 5$. Il est 5$. Il est pas trop long. Moi, j'ai passé ça en... deux heures. Moi, je te dirais que c'est à peu près 3 heures. Moins max. Ouais. Mais c'est un bon petit jeu parce que tes armes te servent. Des fois, t'as du bois à péter avec le feu. Tu prends ton épée de feu, tu sais. Mm-hmm. Puis ta glace aussi sert à éteindre des affaires. Ouais. Tout ça. T'as de la magie aussi. Mais très simple, une magie par arme finalement. Puis ta magie pour ta lance de glace, c'est pratique. Ta magie, c'est que ça lance une lance. Ouais. Puis la lance, elle pique dans le mur, puis ça fait une tu peux monter sur la lance, une plaquette pour accéder à d'autres affaires. Donc ouais, c'est ça, une plateforme. Puis tout au long du jeu, tout ce que tu tues, puis tu as des cristaux, puis tout ça, tu ramasses des points mauves. Ouais. Puis avec ça, tu fais monter de niveau tes combos d'attaque, ta magie, tes critical hits, puis ta force, là, finalement. C'est 4 items-là pour chacune de tes 2 armes, finalement. Il y a 4 niveaux de chaque. Fait que ça fait 16 fois 2. Ça fait 32 barres à faire monter, là, finalement. Ouais, à peu près. Quand vous allez finir le jeu la première fois, ça va être presque fait. Excuse. Ça va être presque fait. Puis tu ramasses aussi dans des coffres des choses pour booster ta jauge de life et ta jauge de magie. Puis il y a aussi des photos bouffe. Où est-ce que quand tu arrives dedans, ils te demandent. T'as 3 couleurs. Si tu photographies quelque chose de rouge, ils vont te donner des points mauves pour monter de niveau. Quelque chose de vert, ils vont te donner de la life. Puis l'autre va te donner des points, je sais pas quoi. Moi, je prenais tout le temps les points mauves là, pour monter de niveau. Donc là, il faut que tu te retournes autour et essayer de trouver quoi photographier qui est rouge. Là, t'sais. C'est un petit peu niaiseux, mais bon, ça. Moi, ça, moi ça je te trouve fait bouger, une belle addition. Là. C'est une belle addition. C'est pas pire quand même. Ouais. Puis sinon aussi, quand tu finis le jeu, ils te permettent de te prendre la photo, de prendre une photo de toi pour mettre d'en face du personnage. Parce que comme Symphony of the Night, quand les personnages se parlent, il y a leurs grosses images apparaissent là, une à l'autre, puis alternent quand ils se parlent. Puis là, ben, t'as comme tous les cheveux autour de Kel, tu sais, puis là, t'as ta grosse face dedans, c'est très drôle. J'ai pris une photo de mon finger, genre, pour mettre d'en face de Dracula. Je trouvais que ça le faisait bien. Fait que je m'amusais au bout avec ça. Puis c'est ça. Puis dans le jeu aussi, tu peux te transformer en animal ou en animal puis en gogos, en tout cas en monstre, comme dans Castlevania. Un genre de une merde là, qui rampe par terre, un genre de chenille qui passe dans les recoins, une bibitte d'eau qui fait lever l'eau, un poisson pour aller dans l'eau. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça bien aussi, ça rajoute des éléments. Ouais. T'as des boss qui sont assez gros, des monstres qui sont gros dans le tableau, genre une grosse main qui te court après, des rochers qui roulent en arrière de toi qu'il faut que tu te sauves. Y a du stock en masse, là, tu sais. Puis l'histoire, aussi poche soit-elle, tu sais, elle est entretenue quand même, parce qu'à un moment donné, t'as des petites séquences, tu sais. Puis là, tu te rends compte que ta fille, finalement, est une vampire. Puis là, oh là là, qui est quoi, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait qu'il y a une petite twist, un petit scénario là quand même qui est légèrement ficelé. Donc pour 5$, tu sais, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça super beau. Ah, ouais. Tu sais, la seule affaire que j'ai reproché à ce jeu là, c'est que c'est un rip-off de Castlevania parce que le reste c'est super bien fait. T'sais, tu vois que c'est des gros fans de Castlevania qui ont fait ça là. C'est la même affaire, c'est à se jeter par terre même. Exact. Que c'est la même chose. Tu sais, moi je me dirais, regarde, tu veux jouer à Castlevania, t'as pas une scène. puis Castlevania des pauvres. Ouais, puis t'en as besoin maintenant. Je veux dire, tu vas avoir la même valeur que t'as avec les autres Castlevania. C'est sûr que c'est pas la top qualité, mais. Non. Mais c'est le fun. Mais ça le fait très bien. Ça va super bien. Puis moi, j'ai été impressionné par les boss. J'ai été impressionné par les améliorations du personnage. Tu sais, toute la magie que tu peux faire. Puis toutes les améliorations de ton bonhomme. Je trouvais ça cool. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Puis le platforming va bien. Puis quand tu finis le jeu, tu recommences au début, tu peux continuer sur ta même game anormale ou quand une fois que tu l'as passé, tu débloques le mode difficile. Mais tu gardes toute ton expérience de ta game d'avant. Fait que dans le fond, t'es quand même salement dur là, quand tu commences. Ça. Fait que là, c'est sûr que tu topes tout dans ta deuxième game. T'sais. En plus, il y a des coffres au trésor que t'as raté pour booster ta jauge de life ou ta jauge de magie. Ben, t'as une deuxième chance d'y aller. Okay. D'ailleurs, chaque stage que tu finis, tu peux y retourner quand tu veux là, pour le refaire, pour aller chercher des affaires que t'aurais manqué. T'sais. Fait que tu peux backtracker et booster ton personnage au complet là, assez rapidement. T'sais. Moi, je l'ai juste trouvé très court, mais pour 5$, ça le fait. C'est 5$. Hein. C'est 5$. Ça, divisé par 3 heures. Même pas 2$ de l'heure. Ben, c'est ça. C'est quand même bon. Là. Puis tu sais, tu gardes ça se download super rapidement. Là, je veux dire, tu joues, ça commence tout de suite. C'est un fixe. Il n'y a pas de niaisage. Ah, ouais. Parce que moi, c'était ça. Là. J'étais comme, OK, je veux jouer à quelque chose. Là. Je me couche dans une demi-heure. Ouais. Puis là, je l'ai downloadé. Clac, je l'avais dans ma machine. Puis là, avoue que tu as joué plus qu'une demi-heure. Magnifique, oui. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, j'ai joué super longtemps la première fois. Pour ça, je l'ai fini si rapidement aussi parce que ça se fait bien. Oui. C'est agréable. Puis tu as des petites surprises un peu tout le long. Ouais. C'est pas si répétitif que ça. Non, donc, c'est ça. Non, c'est très bien. Mais c'est ça. Game Loft, moi, une affaire que je. T'sais, oui, il copie des jeux, mais en même temps, regarde, tu copies ce que t'aimes. C'est tout le temps ça. Le monde, c'est sûr qu'il y a une différence entre s'inspirer puis copier. Puis eux autres, on pourrait dire que c'est plus de la copie que de s'inspirer. Ils sont pas très originaux, mais pour les gamers, on est gagnant là, là-dedans. Je veux dire, c'est leur perte à eux autres. C'est eux autres qui passent pour les épais, mais nous autres, regarde, on est satisfaits. Tu me donnes un fixe pour 5$ de Castlevania. Jusqu'à ce qu'un autre Castlevania suive. Ouais, c'est ça. Mais non, eux autres, ils s'en sortent tout le temps, tu sais. Ouais. Ils ont fait des rip-offs de pratiquement toutes les séries là, sur les téléphones intelligents, tu sais. Ils ont fait un genre de Uncharted, un genre d'Assassin's Creed, un genre de Call of Duty, tu sais. Ils ont tout. Ils ont même un genre de Halo avec. C'est quoi donc? C'est Nova. Fait que, tu sais, c'est. Ils font des rip-offs de tout, mais sont bien faits. Là. C'est souvent les jeux avec des espèces de standards de qualité hyper hauts. À part ceux-là qu'on pourrait dire, ça laisse à désirer. Là. Non, mais c'est bien. Mais sur portable, c'est les rois là, vraiment présentement. Mm. Fait que... Donc, vous qui passez votre temps à dire que rien, c'est à 3DS, ben, en attendant, c'est pas un jeu de 3DS ultime, là, mais c'est disponible et vous pouvez l'avoir sur votre 3DS. Fait que pour 5$, arrêtez de chialer puis jouez à ça. Fait que on y va en musique avec The Hunting Path qui vient de Castlevania Lords of Shadow. discussion. Fait qu'aujourd'hui, on s'était dit que la discussion, ça pourrait être... Est-ce qu'on termine tous nos jeux? Ben oui, c'est une bonne idée, ça, parce que c'est un, ça me gruge dans la tête, man, ouais. Ça, ce terminage de jeu-là. C'est vrai, ça. Ben moi, personnellement, parce que depuis qu'on fait Rétro Nouveau, on fait deux et des fois même plus de jeux que ça par semaine, ouais. Tu sais. Oui, oui. Puis on a des vies familiales quand même actives. Oui. Donc, pour être capable de parler, j'aimerais finir tous les jeux, tu sais, puis en parler du début jusqu'à la fin, puis ouais. Tout ça. Mais c'est juste pas possible. C'est pas possible, tu sais, en si peu de temps, en une semaine, de finir deux jeux, tu sais. Puis surtout des jeux de longue haleine. Mais j'y joue tout le temps assez, tu sais, comme pour être sûr d'avoir vu le principal. Oh, oui. Mais j'aimerais finir mes jeux tout le temps. Puis c'est pas parce que je suis pas capable, c'est que je manque de temps. Ouais. Puis c'est pas parce que j'aime pas le jeu non plus, tu sais, j'ai fait la critique de Zelda Minish Cap au Game Boy Advance. J'y joue encore là présentement à temps perdu parce que je veux le finir, tu sais. Fait que il y a plein de jeux de même là qui dorment puis que c'est comme une diligence là qui sauve là, il y a personne qui a conduit les rênes des chevaux au bateau vent là. J'en ai à peu près 20 comme ça là, puis à un moment donné j'en fais un, puis à un moment donné je finis l'autre, tu sais. Mais il y en a d'autres que ça va plus vite aussi, comme Shadowrun, Onest, Kid Dracula, Soul of Darkness, ça se fait bien ça par exemple. Mais moi c'est ça, j'ai fini avec le temps par apprécier les jeux qui sont un peu plus courts. Moi avec. À cause de ça, que j'ai vraiment une expérience complète, intense, puis je le finis dans un temps raisonnable considérant que j'ai une vie de famille puis j'ai une vie professionnelle. Fait que je veux dire, c'est... Moi j'aime mieux ça maintenant, des jeux. Même que quand je vois qu'un jeu se rallonge, ça me décourage. Je me tanne, mais pas parce que le jeu est pas bon, mais parce que je suis tellement serré dans le temps, tu sais, que je me dis que fuck là, je peux pas rien que faire ça, tu sais. Puis il y a tellement de jeux qui sortent, tu sais, c'est comme je me souviens Red Dead Redemption. Tu sais, j'ai joué, j'ai eu le temps de me tanner pendant que je jouais. Ouais. Puis de repogner le beat, puis de faire comme « Ah non, je vais m'y remettre », tu sais, puis de recommencer à jouer, de triper, puis finalement de le finir. Mais des jeux longs maintenant, je dis « Colin, j'aurais pas... j'ai comme pas la patience des jeux trop longs. À mon avis, un jeu trop long, à un moment donné... Moi, j'aime le côté cinématique, original, immersif d'un jeu. Je suis tout le temps de même, tout le monde le voit, mes goûts, c'est pas mal tout le temps ça. Mm-hmm. Puis, dès que ça sort de ça, je veux dire, à un moment donné, je décroche. Là. Ouais. Je rembarque à un moment donné, mais je décroche à un certain moment. Ben parce moi, je trouve ça dur de rembarquer des fois après trop longtemps. On dirait qu'il faudrait que tu recommences. Ouais. Puis, moi, ça serait mon rêve d'être libre, comme d'avoir du temps, puis de faire Xenoblade Chronicles sur la Wii. Ça serait mon rêve de faire ce jeu-là. Là. Mais ça sera pas possible, parce que le monde y parle de 60 heures. Là. Ouais. Comment tu je peux pas, là, c'est une semaine complète ça, de travail. Au début, tu fais comme fuck it, bye. Mais tu sais, j'aimerais ça, mais j'ai plus que tu prennes des vacances. J'ai plus de ta 15 famille, ans, tu sais. Si je fais ça, je vais ne faire que ça, tu sais. Je pourrais pas parler d'autres choses. Exact. Puis je vais le faire par bout, puis à un moment donné, j'aurai plus le temps, puis je vais revenir, puis là, je vais être déconnecté, puis là, il faudra que je me reconnecte dans le jeu, tu sais. C'est ça que je trouve difficile, tu sais. Puis dommage. Puis c'est pour ça que je parle souvent de ma retraite, tu sais. Quand je vais être un vieux chef et que j'aurai plus rien à faire, là, je vais jouer à toutes ces affaires-là. Mais pour l'instant, on dirait que c'est impossible. Non, c'est ça. C'est vraiment rough. Puis moi, c'est ça. Il y a des jeux quand même assez longs que j'ai terminé. Puis tu sais, j'ai vraiment eu du fun avec. Mais il y en a, là, des jeux qui sont... pour moi, là, une évidence même, là, des jeux qui sont incroyables que j'ai jamais terminé puis sont encore chez nous. Puis je disais pas. Et je pense entre autres New Super Mario Bros. Ah ouais, ouais. Je l'ai jamais fini. Ah non! Je me suis tanné avant, j'étais comme un moment donné, j'étais comme pff, OK, ouais, là, ça tourne vraiment en rond. Je suis pas mal tanné, tu sais. Ouais. Puis là, le nouveau va sortir, tu sais, puis je suis comme. Ah. J'ai comme pas vraiment le goût de le finir. Ouais. Ben, je comprends, parce que ça, en même temps, c'est un peu la même affaire tout ça le temps. Ça tourne en rond, puis, là, ouais, non, c'est ça. Moi, avec ce New Super Mario Bros. Puis c'est pareil pour la DS. Ça m'excite sur pas, la man. DS, puis ça Wii, puis ça Wii U. Ouais. Ça, c'est correct pour tout le monde ensemble, mais ça, c'est une autre affaire. J'ai jamais de monde pour jouer avec moi, tu sais. Jamais joué à 4 ou à 2 à des affaires, tu sais. Mais puis en réseau, ben là, je sais pas, tu sais, j'aimerais ça jouer avec ma gang, mais ma gang sont pas des gamers nécessairement. Fait que c'est savoir toi, là, mais tu sais, en même temps, quand je vais sur le PlayStation Network, tu sais, je te vois là, des fois, mais pas souvent, tu sais. Faudrait vraiment se donner des rendez-vous. Ah, faudrait qu'on se donne des rendez-vous doux, mon gars. Mais là, c'est quand les rendez-vous, peut-être ça m'adonnera pas, tu sais. Exact. En tout cas, c'est dur. Mais non, nos rendez-vous, on se voit pour faire rétro nouveau déjà. Ça prend tout, là, rien que pour qu'on fasse ça. C'est vraiment compliqué, là. Mais tu sais, c'est parce que aussi, tu l'expliquais bien tantôt, puis je trouvais ça drôle, parce qu'on a vraiment deux genres de gamers, parce que moi, je joue souvent beaucoup plus à des jeux récents, puis toi, à des jeux rétro. Ouais. Comme tu disais, tu sais, ce qui a le fun d'un jeu rétro, c'est que tu peux te popper une game rapide, puis tu n'as pas besoin d'attendre après une installation, un loading. Ben, c'est ça, parce que quand tu es arrivé tantôt, je jouais au Game Boy Advance à Mario Pinball Land, tu sais. Oui. Là, ça prend 20 secondes, même pas, tu sais, quelques secondes commencer à jouer à ça. T'es rendu, là, je regardais, j'ai 15 minutes, Bruno va sûrement arriver, je viens de finir de travailler, parfait, j'ouvre ça, cling, power, on commence. Je continue ma game, puis c'est fait, là, je suis là, là. Ouais. Là, si je m'étais dit, bon, ben, quand je veux jouer à Red Dead Redemption, justement, tu sais, bon, là, le petit est couché. T'attends, il y a personne qui se relève, c'est beau, ma blonde, à moitié cantée dans le salon, à lire une revue, parfait. Je vais partir mon PlayStation, ouais. Là, ça load, puis là, des fois, un update, puis là, le temps de retomber dans ma game. Tu sais, je viens de commencer, je suis pas super bon encore, fait que là, avec mon cheval, je fonce dans un cactus un peu, puis, tu sais, une heure et demie est passée, puis j'ai presque rien fait, tu sais. Ouais. Puis là, le monde me disent que ça prend 50 heures à finir ce jeu-là. Tu le fermes, je capote. Là, c'est ça qui fait que je suis rétro aussi, un petit peu, je pense. C'est le plaisir de jouer rapidement à quelque chose. C'est comme des game quickies, là, un en arrière de l'autre. T'sais. Shatterhand, j'ai trippé ben raide, mon gars, parce que c'était action, action, action, bonne musique, bon gameplay, parfait. J'ai fini ça en, je sais pas, moi, 5 heures en réessayant un peu. That's it. T'sais. Puis c'est pas compliqué, là. Je peux sur Power, c'est là. Ça, je peux. Oui. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup les consoles portables aussi, tout le temps, tu sais, parce que je peux jouer un peu dans mon lit. Tout ce que t'as à faire, c'est de le fermer, puis il se met sur sleep. Oui. Parfait, tu mets ça, ça charge, puis ça dort là tant que tu veux, tu sais. Oui. Donc, puis laisser virer mon PlayStation 3 pendant 3 jours, continuer ma game, tu sais. Non. Ça marche pas, là. Non, c'est sûr. Puis moi, c'est ça, c'est que des fois, justement, je vais ouvrir mon PlayStation ou je vais ouvrir ma Xbox, puis là, ça va être comme vraiment long, là. Ouais, il se passe un loading. Où il y a une histoire pis tout ça. Je suis quand même intéressé là, à l'histoire. J'ai quand même, ok, j'écoute l'histoire pis tout, mais en même temps, je regarde l'heure, je suis quand même, ok, là, il me reste comme 2 heures. C'est si ça, je veux pas, c'est parce qu'on joue tout le temps. Faut que je me couche, moi, là. On demain joue tout matin, le temps en regardant l'heure. C'est ça notre problème. On est malheureux, on est stressé, on est coincé. Fait que c'est pour ça qu'on apprécie des jeux qui matchent notre lifestyle du moment. Puis notre lifestyle présentement, c'est la vie de famille, puis les achats de maison, puis les rénovations, tu sais. Mais oui. Puis beaucoup de travail, puis beaucoup de transactions. Fait que non, puis moi aussi, tu sais, je veux. Il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a beaucoup de jeux qui m'intéressent. Fait que à cause de ça, c'est sûr, j'ai pas le temps de toutes les finir. T'sais. Tu veux toutes les essayer. Je veux toutes les essayer. Puis il y a peut-être la seule exception que je fais, c'est pour Monsieur Net. Pour Monsieur Net, je te dirais là, que 2 fois sur 3, je termine le jeu. Parce que. Des fois, des jeux, ça prend quand même un certain temps avant d'embarquer, puis à un moment donné, c'est comme « Oups, OK, là, je suis rendu à 2e heure, puis c'est super bon. » Tu sais, c'est sûr que là, le monde va dire « Ouais, si ça te prend 2 heures avant d'embarquer dans un jeu, il est pas vraiment bon. » Mais faut que tu le dises, ça, pendant la critique. Ouais, c'est important de le savoir. C'est plate écouter un critique parler d'un jeu puis qu'il fasse comme « Ben, j'ai fait le premier tableau, puis c'était cool, là, achetez-le. » Puis finalement, au 2e tableau, c'est de la merde. Ouais, totalement. Fait que c'est ça, mais... Là, je vais les finir, puis tu sais, c'est un travail à la limite certaines fois parce que le jeu est épouvantable, tu sais. Je vais vraiment le finir, mais tu sais, j'ai un but, puis bon, ça y est, tu sais, je le fais, puis je le finis, puis tu sais, j'ai même été comme pratiquement comme un moine pour Skyward Sword. Non, je parlais à personne, je jouais tout le temps. Toutes les fois, j'avais 2 minutes, je jouvrais ma console, j'avais tout le temps une game, puis je jouais, j'ai jamais arrêté. Ouais. J'avais fait la même affaire avec Twilight Princess, ça avait été vraiment long comme critique. J'avais pas d'enfant à ce moment-là, puis j'ai vraiment joué longtemps. Là. Ma blonde a des souvenirs pénibles de ce jeu-là parce que je jouais tout le temps à ça, t'sais, c'était long. Ouais. Mais tu sais, c'est bon, ça valait la peine, ça fait quand même une critique intéressante tout ça, mais sinon m'investir dans un jeu passé autant de temps, ce qui m'énerve la plupart du temps, puis tu sais, je suis vraiment là, je je suis un acheteur compulsif. Je suis un gars qui achète la première édition de tout. Je suis vraiment... Je suis un enthousiaste fini des jeux vidéo. Mm-hmm. Je suis vraiment... Je suis optimiste par rapport à tout. Fait que, tu sais, j'ai le goût d'essayer tout. Je trouve tout le fun. Je suis comme, hey, ça donne bien l'air écœurant. Tu sais, j'ai du fun. Ça me fait tellement de bien, les jeux vidéo. Puis, ce que ça fait, ça, c'est que ça crée énormément de besoins. Fait que, je joue à un jeu... Là, je suis rendu, admettons, à 8e heure d'un jeu. Puis là, j'en vois 2-3 qui m'ont passé sous le nez pendant les deux dernières semaines. Puis là, je fais comme, hey, une minute, là, ça s'est passé, ça. Mais c'est parce que là, quand je vais y jouer, tout le monde, ça va faire comme un mois qu'ils l'ont fini. Ouais, mais c'est pas ça. Juste. Moi aussi, je vais en parler en même temps que tout le monde. Puis là, ça devient une espèce de marathon de nouveautés, mon gars. Là, puis, oh boy, moi, je trouve ça hallucinant. Man. C'est atroce, le monde, ça, puis t'es pogné là-dedans. Le jeu, il sort, ils finissent en une semaine, puis là, ils sont online, puis ils chialent, man, qu'il n'y a plus de jeu ou tel jeu est déjà fini. Exact. Mais comment vous faites, tu sais? Comment vous faites pour finir des jeux de 30 heures, 50 heures en une semaine? Moi, c'est pas possible. Mais moi, regarde, la réponse est simple, je le fais pas. Je fais pas ce genre de jeu-là. Mais je fais quand même partie de cette gang de personnes-là. D'acheteurs de nouveaux jeux. Puis tu sais, je suis fait de même, puis j'essaye de changer, mais je suis fait de même. Quand un jeu sort, je veux l'avoir comme maintenant. Quand ça fait un an qu'il est sorti, on dirait que ça m'intéresse plus. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme, il est vieux, puis là, je suis comme... je vais jouer. Tu vois, c'est drôle, moi ça me fait quand même un petit peu ça, même si j'aime les vieilles affaires. Mais là, je joue à Red Dead Redemption. Ça fait pas assez longtemps. Ça fait pas longtemps. Fait que là, je suis dans une zone plate un peu, je trouve, parce que je me dis, je suis pas à jour pour ce jeu-là, pas en tout. T'sais. Mais c'est pas assez vieux non plus pour être rétro puis surprendre le monde avec. Tu comprends? C'est vrai. Ça fait que c'est comme. C'est comme si tu faisais une critique de Red Dead Redemption, le monde ferait comme, tu vois pas ça. Puis mettons là, que je joue à ça cette année, puis si je trippe, je le mets numéro 1 dans mon top 10, ça a pas vraiment de sens. T'sais. Je veux dire, c'est pas assez vieux ou pas assez nouveau, fait que je le ferais pas. T'sais. Mais moi, pour revenir au jeu rétro, la différence aussi, c'est que je peux passer beaucoup, beaucoup de temps sur un jeu à recommencer. Puis essayer de le finir. Moi, je suis rendu, ma game de Ghosts and Goblins est rendue super loin. Puis jamais que je veux recommencer ça du début parce que c'est un cauchemar. J'ai mis plein d'heures, moi, dans ce jeu-là, mais à recommencer tout le temps. T'sais. Fait que, puis désolé, je pourrais pas le finir, je pense, parce que c'est juste trop dur. Là, c'est vraiment dur. Puis c'est de même pour les jeux rétro. Des fois, c'est pas finissable. T'sais. Ouais. Dire, les jeux récents, ça se finit tôt ou tard. Là, ça se finit par relativement le faire quand même. Mais, tu sais, Rush and Attack, j'étais rendu pas mal loin, mais c'était vraiment dur. Là. Oui. Donc, ça demande énormément de travail, finir ces jeux-là. Puis je regarde ma library ici, puis t'as de la job. Il y a la moitié des jeux là-dedans que je ne verrai jamais la fin. Essaye de finir Batman au NES, tu sais. Oh, le Joker, à la fin, c'est un tueur, mon gars. Là. Puis juste de se rendre là, c'est un miracle déjà. C'est pas évident pour ça. Mais je veux les finir, par exemple, tu sais. Moi, ça me dérange pas de mourir, genre, puis de recommencer le même tableau 20 fois. D'ailleurs, présentement, je joue au jeu que tu m'as vendu, Shinobi, pour la 3DS. Tu disais que c'était dur, Joël disait que c'était dur. Puis là, je suis rendu au 4e stage, tu sais, je pense que ça avance bien. Puis je trouve que c'est un fucking bon jeu, tu sais, puis j'adore ça. Ouais. Mais comme le monde a craché ce jeu-là parce qu'ils ont sûrement pas fini le premier tableau ou la moitié du deuxième, tu sais. Ben moi, je me suis rendu... je pense que je suis rendu à peu près là au 4e. Le monde aussi, quand les jeux sont durs comme ça, tu sais, il y a des gens qui se découragent, qui veulent pas le finir, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est un autre, c'est de la patience, c'est... Mais moi, il y a des jeux j'ai cette patience-là quand le jeu, il est bon, tu sais. C'est ça, il y a des jeux qui sont durs que je vais accepter que ça soit dur, puis je vais avoir du fun à le faire. Ouais. Shinobi, je trouvais que la façon que c'était fait... Oui, il était dur, mais j'embarquais pas dans les tableaux, j'embarquais pas dans l'action, j'aimais pas les ennemis, je trouvais qu'il y avait comme pas de saveur vraiment. Tu sais, fait que j'embarquais moins dedans, tu sais. Mm-hmm. Il y a des jeux qui sont super tough, je vais embarquer dedans, soit à cause de l'univers dans lequel je suis. Dark Souls, mettons, ces jeux-là, je suppose que j'ai pas essayé, qui paraît que c'est dur. Mais tu sais, Dark Souls même, Ian Richards m'en a parlé avec une passion, indéniable. Il m'en a parlé, puis il y avait des brillants dans les yeux. Puis il m'a donné le goût de jouer, tu sais. Puis moi, c'est ça, j'ai rien contre les jeux qui sont durs, Mais si j'en faut que j'embarque rapidement, c'est ça le problème. Ouais. C'est qu'il y a tellement de jeux qui existent que maintenant, tu peux, contrairement à quand tu étais petit, juste faire... Passer d'un à l'autre. Regarde, j'embarque pas, fait que je vais passer à un autre. Ah, oui. C'est comme là, Kid Icarus Uprising, là. Ouais. Tel que l'a témoigné le comic de Rétro Nouveau. J'ai les mains scrap à cause de ça. Puis j'aime vraiment, mais vraiment pas les contrôles. Puis j'ai tout essayé, j'ai fait plein de changements dans les contrôles. Puis j'aime pas ça. Mm-hmm. Puis là, ça marche pas. Puis j'aime juste pas ça. Si j'avais à le faire à Monsieur Net ou Rétro Nouveau, là, je me forcerais puis j'essaierais de le finir. Mais là, vois-tu, je vais juste le lâcher. Je vais juste arrêter de jouer. C'est pas grave. Moi, je l'ai fini puis c'est fait déjà. C'est ça, exact. La job est faite, fait qu'on est correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun aussi. Ça a de quoi de bien aussi de savoir que tu as du choix. Même si tu termines pas un jeu, tu devrais pas te sentir mal à cause que tu l'as pas fini. Mm-hmm. Tu devrais pas non plus te sentir mal à cause que tu joues pas un jeu à hard. Ou non. Que tu décides que ta réticule dans un first ou un third person shooter soit pas collante. T'sais. Ouais. C'est ton choix, c'est expérience de jeu, ça te regarde, je trouve. Chaque personne a droit à sa propre façon de jouer. Moi, c'est à cause de mon horreur, un peu comme toi, que je peux pas tout finir parce que je veux essayer trop d'affaires. Fait que, tu sais, puis une chance que je suis pas de même dans ma vie personnelle parce que je serais vraiment dans la merde. Mais tu sais, dans un jeu, je me dis, garde, il y a tellement d'affaires qui sortent. Là. Comme là, justement, une affaire que je l'ai dit tantôt, c'est que le PlayStation Plus, à cause du E3, il donne des pleins de jeux. Il donne une offre des dieux. Tu sais, tu as 12 jeux dont il y en a 8 là-dedans que c'est des gros jeux, là, des jeux qui sont 40$ qui donnent. Puis c'est des jeux qui sont pas récents. Entre autres, il y a Little Big Planet 2, il y a Just Cause 2, il y a Saints Row 2, Infamous 2, Ratchet & Clank All for One. C'est des super bons jeux. Puis là, moi, j'ai téléchargé Little Big Planet 2 parce que Little Big Planet, je suis un des chialeux de Little Big Planet. J'aime pas le platforming dans Little Big Planet. Fait que le 2, je l'ai même pas essayé. J'ai fait comme « Ah, fuck that ». Là, il est gratos. Fait que là, je l'ai downloadé. Hey, sur ma machine, je me demande si je vais jouer. juste du fait que tout le monde est passé à autre chose, là. Ouais. Je me demande si. Avoue que tu sens mal d'essayer un jeu qui est plus à la mode, là. T'sais, je suis comme. Ouais, mais c'est plus. Je pourrais pas. Il y a ça aussi. Il y a le fait de pas pouvoir en parler à personne. Ouais. Ou d'en parler à quelqu'un, puis le monde sont comme. been there, done that, puis. Mais le problème, c'est qu'on est connecté maintenant, puis on fait une émission, puis tu passes à la TV, puis on tweet, tu sais. Mais à moi, avant qu'on fasse Rétro Nouveau, là, c'était bien le dernier de mes soucis, ces affaires-là, puis je m'en foutais là, carrément, tu sais, de quand je joue à quoi, tu sais, puis qu'est-ce qui était à mode. Je savais même pas qu'est-ce qui était les nouveautés, là, tu sais. Donc, mais là, c'est ça, vu qu'on est connecté, ben, c'est ça qui fait la petite pression supplémentaire, qui fait qu'on allait. Qu'on peut pas jouer à des affaires semi-vieilles, puis que c'est bien louche de faire ça. Là, dans ben, c'est que quand tu le fais, tu perds du temps sur autre chose. Ouais, puis une des affaires les plus fun d'être un gamer, à mon avis, c'est de pouvoir en parler avec d'autres mondes qui trippent sans. Ben, pas d'être un gamer. Quand t'as une passion, t'as le goût d'en parler. T'as pas le goût de garder ça pour toi, jamais, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, tu sais. Mettons, t'as joué à un jeu, on en jase par la suite, c'est super cool, tu sais, c'est le fun. Mais si tu joues à un jeu puis tout le monde y a joué il y a 2 ans, quand t'en passes, c'est un petit peu awkward, tu sais. C'est c'est le fun, le monde passe à d'autres choses. Mais toi, t'es dans ton trip, là, t'es dedans maintenant, là, t'as le goût d'en parler. Puis le monde arrête d'en parler parce qu'eux autres, il y a 2 ans, ils en ont parlé pendant 4 heures, là. Ouais, ils ont fait ça. Des blogs complets à propos de ça. Ils étaient dedans au bout. Mais maintenant, le monde sont comme « Ah, c'est un bon jeu, c'est vrai. » Mais en même temps, j'ai pas l'impression que le monde sont si snob que ça non plus, tu sais, méchant. Non, ben, ils sont pas méchants, nous-mêmes mais... qu'on a, je sais pas, on a comme peur de passer pour des has-beens, genre, si on fait une affaire de même, là, tu sais. Ben, moi, ça me dérange pas parce que moi, je suis dans les vieilles affaires, là. Ouais. Mais c'est peut-être ça, là, le feeling en arrière. Mais c'est des affaires semi-vieilles que c'est ça, c'est semi-vieux. Weird. Là, c'est ça, quand là. C'est semi-vieux. Je pense que les seules fois où je tombe dans des jeux qui sont semi-récents, c'est quand il y a un gros vide d'insorties de jeux. Ouais. Tu sais, comme cet été, ça va probablement arriver parce que l'été, pour les jeux vidéo, c'est jamais terrible. Il y a pas de grosses sorties énormes. Tu en as peut-être une par mois. Fait que Fait que là, tu vas te reprendre, tu vas faire Dark Void, puis tous ces jeux-là que t'as pas eu le temps de faire. Mais non, mais Dark Void, je l'ai fait. Ah ouais, ok. Tu tombes sur un jeu que j'ai fait. Ah. Non, mais comme, tu sais, justement, jouer à Little Big Planet 2, je pense, tu sais, je vais m'y mettre, je vais jouer, puis coudonc, ça sera le fun, tu sais, puis peut-être que, coudonc, je pourrais peut-être essayer de me remettre dans Gears of War, que j'ai lâché par juste, je trouve ça plate, tu sais, puis. Je me disais comme, hey, c'est poche, man, tu trouves ça plate, puis la planète entière trouve ça écœurant. Il y a sûrement quelque chose que tu fais de pas correct. Fait que, tu sais, je me remets dedans, puis j'y rejoue, puis tout ça. T'sais, comme Halo, c'est la même histoire. Halo. Ouais, ouais. J'aime pas ça, Halo, tu sais. Mais des fois, il y a ben, des affaires peut, comme ça. Ça, je veux dire, moi, non, ça se peut. Moi, j'ai acheté Portal 2 ici, neuf, là, au magasin, là, puis c'est genre le jeu de l'année passée, là, tu sais. J'aime pas ça, tu sais. Ouais. J'ai essayé, là, puis j'ai avancé, puis tout, puis. Peut-être parce que c'est un first person, justement, puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment nul à. Ouais. Mais j'arrive pas à embarquer dans ce jeu-là, puis ça dort sur ma tablette. Ouais. Puis je me sens mal parce que c'est genre un puissant jeu, tu sais. Ouais. Moi, j'aime pas ça, tu sais. Non, non, mais c'est ça, arrive, c'est juste là. Comme ça, là, tu sais. Ouais. Donc, that's it. On s'en va en musique avec Gradius 5 au PlayStation 2, la musique du premier stage. Pitiou! You! Top 5. Top 5 cette semaine, Bruno. Oui. Les personnages les plus bizarres des jeux. Oui, parce que, tu sais, les personnages d'un jeu vidéo, des personnages vraiment bizarres, il y en a. Il y a des jeux bizarres, puis il y a des personnages vraiment bizarres. Oui, fait qu'il faut faire la différence entre les deux. Nous autres, c'est les personnages. Oui, c'est ça. Absolument. Donc. Le jeu n'est pas nécessairement weird. Non, non. Numéro 5. Fait que numéro 5. Numéro 5, il s'agit de Q, un fighter dans Street Fighter 3. Ouais. Connais-tu un petit peu Q? Sais-tu c'est qui? Moi, je trouvais qu'il ressemblait il ressemble à Warshark, ou je me souviens plus de son nom exactement, dans Rorschach. Watchmen. Là. Ouais, Rorschach. Ouais, ben en fait, c'est l'espèce de gars qui... c'est un grand personnage, très, très grand, avec un trench coat, un chapeau, comme du gear de détective, ouais. avec un masque de métal. Puis des gants blancs. C'est Destro, Colin. Comme Destro, déguisé en détective. C'est carrément ça. Puis, ce qu'il y a de fucké dans ce personnage-là, premièrement, quand tu le prends, tu commences à jouer avec, tu sais, la façon que les personnages arrivent sur le ring pour se battre, tu sais, ils ont toute la petite gimmick. Lui, il arrive en marchant, là, comme un espèce de zombie robotique, apocalyptique, là, tu sais. Oh, c'est ouais. super épeurant, là, quand il arrive. Il est grand, puis il a l'air d'un maniaque. Puis son stance de combat, c'est même pas un stance, tu sais, il est genre drette comme une barre, puis il a les petites mains qui pendent en avant, comme s'il était plein de... Tu sais, comme s'il s'en venait égorger, là, finalement. Ah, oh, ouais. Ça a même pas l'air d'un fighter, ça a l'air de rien. Tu me demandes... Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Non, ben weird. C'est vraiment bizarre, puis il se bat super mal, moi, je trouve. J'ai jamais joué, man, à Street Fighter 3. Ah, il est bon. Il est ça vraiment manque bon à ma culture. Je suis passé de Street Fighter 2 à Street Fighter Alpha, tu sais. Ouais. J'ai comme pas fait les autres. Puis, non, le 3, il est très bon. Puis, dans le fond, j'ai essayé de trouver l'histoire de ce gars-là, ouais. mais il n'y en a pas. OK. Il n'y a aucune histoire de ce gars-là. Personne ne peut dire c'est quoi. Il est juste quoi. Louche tout c'est, le long. C'est là. Ça. Mais ça dit, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a eu un désastre, tu sais, ou une catastrophe, ouais. lui, il était là. Q, il était là. Tu sais, c'est quand il y a un tsunami, Q était là. Colin, fait feu, que c'est comme un... Ça passe au feu chez vous, Q prenait une marche en arrière, tu sais. C'est comme un... Et là, je pourrais dire... Un mécène de l'apocalypse. Une référence très geek, là. Les Watchers dans Fringe. Okay. Tu sais, c'est vraiment la même chose, là. C'est des personnages qui sont là, eux autres, ils attendent tranquillement. Puis, y a, pas les Watchers, les Observers. Okay. Puis, ils observent, mais ils observent des trucs qui vont mal dans le monde, tout simplement. Ils prennent des notes, puis ça cloquant dans le futur, tu sais. Fait que... Ouais. Mais lui, il est là quand ça va mal, tu sais. Puis, on sait pas si c'est un robot ou si c'est un humain. On sait pas en tout. On voit la seule partie qu'on voit de son corps, c'est son cou. Il y a un cou en chair. Il a l'air robotique quand même. Ouais, oui, mais c'est un... On voit son cou. Son cou, c'est un cou d'humain, tu sais. Hein? Ouais, ouais. Puis, mais il bouge comme un robot. Puis quand il gagne, tu sais, il dit des mots, mais il dit comme juste des why, win, apocalypse. Tu sais, il est comme. C'est comme un ordinateur fucké, tu sais. Mais ça, c'est très bizarre. C'est puis quand, donc il, ben quand weird. Il gagne un round, soit il peut couler une petite larme quand on regarde comme fou, okay. ou il peut comme écraser son personnage, l'adversaire, et mettre le pied dans la face, tu sais. Fait qu'on connaît pas ses émotions non plus, on sait rien. Puis, il y a des rumeurs qui ben disent... Creepy. Il est creepy au max. Puis, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être le père de Chun-Li. Parce que le père de Chun-Li se fait assassiner par Shadaloo, l'organisation de Bison. Ouais. C'est pour ça que Chun-Li avait allé péter Bison. Puis, vu que Chun-Li a fait un retour dans Street Fighter 3, ben là, puis lui, il arrive en même temps. Il y a du monde qui disent que ça pourrait être genre les restants du père de Chun-Li, qui était un détective, whoa! By the way, pis, pour Interpol. Puis là, c'est un détective encore, tu sais. Fait que ça pourrait être ça qui a été reprogrammé, aye, aye. Genre, pour fighter. Je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais je trouve ça chiant quand même que Capcom vienne pas justement mettre un OK là-dessus. Ah non, c'est clair. Ben personne ne. Il laisse ça dans le vide, c'est comme hop! Absolument, on le saura jamais, mais c'est en tout juste cas... un autre stagiaire sur le LSD qui a fait un personnage. Ouais, puis il est nulle part ailleurs, là. Il est pas dans le 4, il est pas. Il est jamais revenu. Là. Fait que, mais vous allez voir, là. Allez voir sur YouTube, puis regardez-le arriver, comment est-ce qu'il est creepy, là. Puis on y voit jamais à la face, on sait pas c'est qui. Aucune idée, donc moi weird. J'ai mis en 5. Très drôle. Numéro 4. Bon, numéro 4. Un autre fighter, ça va être tout ben pour oui. les fighters pour aujourd'hui. Il y en a beaucoup des fighters bizarres. J'en y en a avais pas mal un autre moi, dans ma tête, puis on l'a coupé là, ben parce oui. que ça en faisait trop. Il s'agit bien sûr de Voldo dans ben la série Soul Calibur. Comment passer à côté? Là. Cette espèce de grand maigret avec des griffes qui fait comme... Ouais, il devrait avoir WTF dans le front, ce bonhomme-là. Il est tellement weird. Mais il est comme habillé bon en sadomaso. C'est comme un sadomaso avec des griffes de Freddy, ouais, mais ses barres comme des ciseaux. Pis... Tout maigre, comme un squelette. Il y a comme un bandeau dans la face, bandeau dans la bouche, tu sais. Puis même la façon qu'il se tient, puis qu'il bouge, il est tellement weird. Son style de combat est totalement weird, avec, là. C'est comme imprévisible, là, mais t'sais. Il va bien. Il va vraiment bien. C'est comme un Drunken Fighter, là. En plein ça. C'est comme Drunken Master, là. Mm. Tu sais, il bouge un peu tout croche, puis tu sais jamais où est-ce qu'il s'en va. Mais ça peut être très fluide quand tu connais ses moves. Oui. Puis j'ai lu ses origines à lui. Lui, il travaillait pour un gars qui s'appelait Verchi. C'était un marchand d'armes, genre en Italie, tu sais. Lui, c'était son bras droit, finalement. Puis Verchi voulait le Soul Edge. Mm-hmm. Puis, bon, là, il y avait un beef là, avec Cervantes, puis tout. Fait que, en tout cas, pour faire une histoire courte, là, tout ça a chié. Fait que là, Verchi, lui, il avait bien du cash, bien des affaires. Fait que puis, l'Italie était en guerre. Puis pour se sauver de ça, il voulait construire comme une grotte, là, un pit, pour qu'il mette tout ses trésors dedans sur une île déserte. Puis, c'est Voldo, dans le fond, le bras droit, qui est allé aider. Puis après ça, il a fallu qu'il tue tous les ouvriers qui ont participé à ça. Puis là, ça dit juste qu'il est comme resté enfermé dans ce pit-là, puis tout le monde est parti, tu sais. Sa tâche à lui, c'était de tuer, genre, tout le monde qui venait dans le pit pour prendre l'argent. Fait que là, il serait devenu fou là-dedans, puis dément, genre. Puis c'est ça qui a donné Voldo, là. Un gars enfermé dans un pit plein d'or pendant des années, puis son seul boulot, c'est de tuer les gens. Donc, c'est donc ben creepy! C'est ça qui est arrivé. Aïe, aïe! Mais quand même, moi, je l'aime bien. Je l'inclus dans mes 5 fighters de base. Tu sais, j'en ai un que je suis très bon, un deuxième que je suis vraiment bien aussi, puis 3 autres semi, mettons. Là, puis Voldo est là-dedans. Moi, là, j'utilise pas mal tout le temps Voldo, tu sais, parce qu'il est surprenant. Il est bizarre, puis tu sais, pour les débutants, je trouve que c'est un personnage qui est parfait. Ouais. Parce que la personne qui est à côté de toi, même quand tu fais rien, elle sait pas ce que tu vas faire. Parce que t'es comme... tu bouges un peu, tu croches. Il est rapide. Là, il est vraiment rapide. Fait que... Mm. Non, une bonne option. Une bonne option. Numéro 3. Troisième position. Earthworm Jim. Mais oui. Un choix quand même assez évident, lui c'est aussi. C'est très évident. Là. C'est un Earthworm Jim, en fait, c'est juste un ver de terre. Ouais. C'est le saut qui fait le héros. Parce qu'il y a un saut, il y a quelque chose qui crash de l'espace sur la terre. Ouais. C'est un genre de saut spécial de même. Puis le ver de terre, il rampe là-dedans. Il rentre dedans. Whoop, il devient un méga puissant ver de terre, tu sais, avec un gun. C'est ça qui est drôle quand même, parce que tu sais, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds, tu sais. Non, juste un ver de terre. Puis... C'est le saut qui fait. C'est ça, il est tellement caractériel, tu sais, il est tellement cool, là, Earthworm Jim. Puis je veux dire, c'est le fun parce qu'il sert de sa tête comme d'un hélicoptère, où il se prend lui-même pour fouetter, tu sais, comme le bras prend le ver de terre pour fouetter. C'est ça. C'est tout hyper sympathique, là. Non, puis je trouve que tu t'aperçois justement quand tu joues que c'est pas c'est comme pas le corps le dominant, ça reste le ver de terre. Tu fais beaucoup de choses avec ce ver de terre-là. Ouais. Fait que c'est quand même réussi de ce côté-là. Tu t'en sers comme un grappin, là, finalement, pour te balancer. Tu fais plein d'affaires. Il y a même des tableaux où est-ce que t'es même pas dans ton saut, puis t'es une genre de larve qui se promène dans un intestin, mais tu tiens au bout d'une petite patte, genre le gun, tu sais. Là, c'est... Mais si vous avez jamais joué à Earthworm Jim, là, il est temps que vous essayez ça. Ah oui, non, c'est un puis must. Il l'a sur le PlayStation Network, je sais pas sur Xbox Live. Ouais, Xbox Live aussi. C'est 5$, la version HD, tu sais. C'est génial, là. C'est pas cher, puis c'est bon, ce jeu. Ah ouais, c'est vraiment bon. Puis c'est vraiment bizarre tout le long. Tout, là. Ça aussi, c'est un jeu bizarre là. Vraiment bizarre, mais ô combien sympathique. Ah oui. Puis les tableaux, c'est n'importe quoi. Tu lances des vaches, des frigidaires qui tombent. t'es dans un intestin, t'es dans un sous-marin. Les bébites aussi sont écœurantes. Les bébites, c'est n'importe quoi. Un bonhomme avec une moustache en vomi, une barbe en vomi, genre, un chien enragé. Puis c'est. Vous pouvez pas, c'est tordu. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, si vous êtes attentif, vous allez recevoir qu'on l'aime bien parce que la trame sonore est souvent dans Rétro Nouveau. Totalement. Parce que moi, je l'adore, cette trame sonore-là. Il est même dans le header de notre blog aussi. Oui, c'est vrai. Sa petite case à gauche. Ben oui. Donc, Earthworm Jim numéro 3. Yes. Numéro 2. En deuxième position, on a mis le roi du cosmos dans Katamari Damacy. Ben oui. Tous les jeux de Katamari. Mais dans le fond, c'est parce que c'est ça, ce bonhomme-là, il est bizarre au départ. Son look est bizarre. Ouais. Mais tu sais, comme toi, tu me demandais, mais qu'est-ce qui fait qu'il est bizarre? T'sais, parce que c'est sûr son Le jeu est très bizarre, tu sais, en fait. Le jeu est super bizarre, déjà, en partant. Mais le roi a tout le temps une façon de te parler. Il est tout le temps hyper insultant, condescendant. Mais des fois, il part dans des chires vraiment bizarres. Là. T'sais, comme il va te parler puis il va te dire « OK, aujourd'hui, faut que tu roules un catamaran de 50 mètres. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai de la misère. » C'est vrai que ça pique quand on se gratte les fesses avec un opossum. T'sais. Déjà, il te sort d'une affaire de même. Il dit « Hein? Comment? Quoi? » Puis justement, il sort tout le temps des affaires bizarres de même. Des fois, tu le vois jouer, puis tu le vois jouer de la guitare ou de l'harmonica, puis ouais. Il va être habillé avec son kit weird, mais il a tout le temps un regard hyper sérieux puis intense. T'sais. Fait que c'est comme une espèce de personnage. C'est vraiment un personnage bizarre qui fait jamais aucun sens, ouais. Mais qui a de l'autorité, qui est méchant, tu sais, qui est vraiment agressif. Ouais, il est méchant, il est condescendant, il t'insulte quand t'as pas fini ton tableau comme du monde, tu sais. Okay. Il dit « Ah, je suis encore déçu de toi, t'arrêtes pas de me décevoir, t'es vraiment mauvais, tu sais. » Puis c'est ça qui est drôle dans Katamari, c'est comme « Tabarnouche! » Tu sais, c'est drôle parce que dans Katamari Damacy, on joue avec le prince. Ouais. Puis pourtant, la star du jeu, c'est pas le prince, c'est le roi. Ah ouais, c'est le roi. Okay. C'est vraiment le roi, c'est vraiment lui qui prend toute la place. Là. Le prince, à la limite, tu le vois, t'es tu joues avec. Mais... ouais, c'est ça, t'es vraiment sa biche, tu sais. Fait que. Puis t'arrêtes pas de le décevoir, si ça se trouve, parce que même quand tu réussis quelque chose, tu le déçois pareil, tu sais. Il est comme, ouais, ça c'était pas pire, mais tu pourrais faire tellement mieux, tu sais. Wow. Fait que non, c'est vraiment, moi, c'est un personnage que j'adore parce qu'il est bizarre sur tous ses aspects. Il est impossible à suivre. Ça doit être la pire personne avec qui vivre dans ta vie. Là, il doit être insupportable avec ses espèces de leggings qui présentent son paquet puis ouais, hein? Sa espèce de tête en cylindre. Ouais. Il est vraiment bizarre. C'est un méchant weirdo insultant. Fait que moi, pour ça, je l'adore. C'est pour ça qu'il est en numéro 2. Yeah. Numéro 1. Et qu'en grande première position, c'est un personnage rétro. Oui. Ouais, du Dreamcast. Ouais, du Dreamcast. On a choisi Seaman. C'est ça son nom au personnage? C'est le personnage, à vrai dire, c'est que c'est une... Seaman, c'est le jeu. Seaman, c'est le jeu. Ouais. Puis dans le jeu, on incarne un poisson avec un visage humain. Ce poisson-là, avec un visage humain, on a surnommé cette sorte de poisson-là un Seaman. C'est tellement laid, là. C'est vraiment... laid. C'est vraiment épouvantable. On dirait un exercice de quelqu'un qui étudie en jeu vidéo. Ouais. Il a dit, je vais mettre une face sur un poisson, puis bang, c'est ça le jeu. Là. Ah non, c'est vraiment bizarre. Puis vous irez voir l'annonce pour ce jeu-là. Ils ont annoncé ce jeu-là. La pub télé est encore sur le web. Là. C'est vraiment bizarre. Là. Genre, okay. Tu vois un Japonais qui joue à Seaman, puis qui est dans le noir. Puis là, il dit des affaires à son poisson. Puis là, t'as un petit gars qui s'en va dans le salon. Puis, tu sais, il demande en japonais, comme, « Qu'est-ce que tu fais, papa? » Puis là, il se retourne, puis il fait comme, « Rodiakarado, Seaman, Rodarodetorien. » Là, ça finit de même. C'était quoi, ça? C'est vraiment bizarre. Parce que ce jeu-là, tu parlais dans le micro de la manette pour faire des affaires au poisson. C'est ça. Il y avait un micro qui venait avec le jeu que tu pluguais sur ta manette de Dreamcast. C'est ça, tu parlais au poisson. Fait que c'est comme un Tamagotchi dans un sens. Là. Ouais. C'est un animal virtuel. Il fallait que tu le nourrisses, il fallait que tu l'entertaines. Si tu n'allais pas le voir à tous les jours, il mourrait. Puis aller voir la face, t'as vraiment pas envie d'y aller. Non, en c'est ça, t'as pas le goût de le sauver. C'est comme shit, faut que je retourne faire un cauchemar puis aller voir mon Seaman. T'ouvres la TV et il te regarde. Oh merde. Ah non, c'est vraiment bizarre. Mais ce qui était le fun de ce jeu-là, c'est que tu pouvais dire certaines affaires, puis des fois ça fonctionnait. C'est évident, là, ça fonctionnait vraiment pas tout le temps, puis c'est normal, là, parce que c'est vraiment un des premiers jeux à utiliser une technologie du genre. Ouais. Mais quand ça fonctionnait, t'étais tellement impressionné. Ça n'a pas de bon sens, il me répond, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme tu dis, qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? Puis il va te répondre, not much, been swimming. Fait que là, tu sais, aïe, yeah, il m'a répondu, c'était carré. Mais c'est bizarre parce que c'est un poisson avec une face d'humain. Mais sa face est lettre. Une face de gros japonais. C'est comme une espèce de sumo japonais avec un corps de poisson. Puis des screenshots que j'ai vus, le background de l'océan il est comme noir, on dirait. Ouais, c'est comme un cheap. C'est comme un espèce d'aquarium d'attitude. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est un jeu qui est. C'est comme un jeu, présentement, là, maintenant, ça serait un téléchargement. Ouais. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas le téléchargement. Ouais. Fait que c'était comme. Hein, paye, mon gars. 60$. Simon. Bon cauchemar, là, j'aime. C'est tellement bizarre, là. Puis, comme présentement, il n'y a pas vraiment de grande critique de ce jeu-là. Mais je conseillerais au monde d'aller voir le qui sont toujours très bons d'habitude, là, le Classic Game Room. Mm-hmm. Ils ont fait une critique de Seaman, puis elle est quand même assez réussie. Puis ah ouais. Les gars, t'es vois s'amuser justement à essayer de dire des choses à Seaman pour essayer de le convaincre de faire certaines affaires, puis ça fonctionne pas vraiment. Puis, c'est très drôle, mais c'est le jeu le plus bizarre auquel j'ai joué dans ma vie, là. Ouais. Il y a eu celui-là. Il y a eu aussi Nobby Boy, qui était une espèce de verre. Ça vient encore des mêmes créateurs que Katamari Damacy. Okay. Mais Nobby Boy, c'est tellement un jeu slash expérience que j'ai détesté à fond. Okay. Que je veux pas y donner aucun prix nulle part. Fait que c'est pour ça qu'il est pas dans le top 5, parce que, tu sais, au moins, le roi dans Katamari, tu sais, c'est des bons jeux qui sont autour. Ouais. Tu sais, c'est pas fucké pour être fucké. Ouais, ouais. C'est fucké intentionnellement pour donner un jeu qui a du goût, là. C'est ça. Puis au final, ça se tient, tu sais. Ouais. Mais Seaman, je sais pas, tu feras des recherches là-dessus à savoir combien ça vaut. Oui. Mais man, si tu trouves ça, là, il faut que tu l'ailles. C'est la première affaire qu'il te faut sur un Dreamcast, c'est Seaman. Ah ben, tu m'as mis en mission, mon gars. Ouais. C'est ainsi que se termine le 31e épisode de Rétro Nouveau. Oui. Fait que, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Ben, nous autres, on a bien aimé ça. En tout cas, on a eu bien du plaisir. On a eu bien du plaisir. En passant, là, on vous a pas demandé vos commentaires pour la discussion et tout ça. Ouais. Là, vous allez dire, c'est donc ben bizarre, pourquoi vous nous avez pas demandé notre avis? C'est parce qu'on enregistre l'épisode à l'avance. Oui. On est un petit peu pris dans le temps. Ouais. Donc, c'est ça. On n'avait pas le temps de vous le demander. Fait que ce sera comme ça cette semaine. Ça va être fait. Mais de toute façon, vous avez un épisode. Fait que là, tout le monde est bien content. Fait que that's it. Puis écoutez, c'est l'été. Oui. Fait que moi, j'ai des vacances qui arrivent en passant. Les deux premières semaines de juillet, c'est sûr que je ne suis pas disponible. Ouais. Donc, pendant ces deux semaines-là, il n'y aura pas de rétro nouveau. Ouais. Toi, Bruno, tu es en plein processus d'achat d'une maison. Exact. Fait que tu sais, c'est sûr que cet été, ça sera pas un été complet pour Rétro Nouveau, mais on va tenter d'avoir le plus d'épisodes possible. Puis ça se peut qu'on fasse des fois, qu'on enregistre deux épisodes pour le monde, tu sais. Ouais. Au lieu d'en faire juste un, comme ça, il y en aura un petit peu plus, là. Ouais, c'est ça. Puis deux peut-être un petit peu plus court, tu sais. Puis c'est ça. On les sort à deux semaines d'intervalle, tu sais. Exact. Comme ça. Mais par ailleurs, ça va me donner le temps de jouer à bien des affaires. Moi, j'ai reçu des badges de jeunesse ici, là, qu'il faut que j'essaie. Codename Viper, Xexiz, Mighty Bomb Jack. J'ai mon Virtual Boy que j'ai même pas essayé encore. Mais oui. Rocket Knight Adventure au Genesis. J'ai tout ça, là, ça dort. Non, je vais être occupé. T'as hâte. J'ai vraiment hâte. Ben, c'est cool. Fait qu'en tout cas, merci d'être là. Merci de nous écouter. N'oubliez pas de toujours abonnez-vous à notre page Facebook. Partagez la bonne nouvelle. Ouais, on a partagez. Des nouveaux fans. J'ai rencontré des gens cette semaine ouais. qui sont venus m'acheter des jeux. Puis je me rends compte qu'il y a des nouveaux fans qui viennent d'un peu partout. Ouais. On a fait une pub Facebook. Mais aussi, il y a quelqu'un qui nous a découvert via Retro Gamer PQ qui fait des chroniques des critiques de jeux vidéo rétro online. Puis lui, il s'est abonné à notre YouTube. Okay. Puis ce gars-là nous a vus dans le rôle de Retro Gamer. Fait qu'il nous a découvert de même. Fait que tu vois comment cool. c'est fascinant. Ça vient de partout. Là. Il est magnifique. C'est magnifique. Fait qu'on en veut des nouveaux fans. On veut du monde. Oui. On veut payer plus cher de bandes passantes. Donc, partagez la bonne nouvelle. Yes! Fait que, en tout cas, d'ici là, ben, à la prochaine. Retro. À la prochaine. Ciao! Salut!